Marie est avocate. Son mari aussi, je crois. Non, lui, il n'est pas avocat. Anna fume. Son mari aussi, je crois. Non, lui, il ne fume pas. Igor est russe. Ses parents aussi, je crois. Non, eux, ils ne sont pas russes. Max conduit. Sa femme aussi, je pense. Non, elle ne conduit pas. Paul parle anglais. Ses enfants aussi, je pense. Non, eux, ils ne parlent pas anglais.